Le porte-parole de l'Association générale des Coréens en Chine a publié le 30 juillet une communication. Il y a noté que la réussite au deuxième lancement d'essai de la fusée balistique intercontinentale de type Phason 14 est un événement spectaculaire. Par ailleurs, le porte-parole de la filiale de la ville de Harbin de la société de la région de Harbin de l'Association générale des Coréens en Chine a publié le même jour une communication pour féliciter la réussite au deuxième tir d'essai de la fusée balistique intercontinentale.